Merci Martial Bouchard, président du club de golf Lac-Saint-Jean. Il me fait plaisir, au nom de mes collègues du conseil d'administration et de tous les membres du personnel, de vous souhaiter une magnifique période des fêtes et une année 2018 remplie de santé et de succès. Profitez de ce début d'année pour ajouter une nouvelle saine habitude de vie à celle que vous avez déjà. L'entreprise Usinage numérique HB du 210 rue Beauchamp à Dolbeau-Mistassini connaît une croissance phénoménale. Les propriétaires messieurs Hermel Bugeau, Vincent Girard et Pierre Thériault viennent d'investir une somme de 600 000 $ qui permettra d'agrandir ses locaux et offrir une nouvelle gamme de produits qui fait fureur dans l'industrie du camionnage. Toute notre équipe souhaite de joyeuses fêtes à la population et vous invite à la grande prudence. Tels sont les vœux de la direction d'Usinage numérique HB 88-239-08-27. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional, c'est l'édition du 22 décembre, c'est le dernier bulletin de sport local et régional avant la période des fêtes, on fait relâche durant la période des fêtes, par contre la section entrevue de danradiosport.com va fonctionner tout le temps, même le 25 décembre et également le 1er janvier, des entrevues, des revues de l'année, des entrevues qu'on vous a préparées, qu'on va diffuser pendant la période des fêtes. Donc, pour ce dernier bulletin de sport local et régional, on va commencer avec une nouvelle, une excellente nouvelle. Pierre-Alexandre Bédard de Chibougamau a été choisi le golfeur de l'année selon l'Association des golfeurs du Québec. Donc, le golfeur de Chibougamau, rappelons-le, a remporté le titre de la PGA au Québec au mois d'octobre dernier. Donc, il devrait recevoir son prix au mois de janvier prochain dans le cadre du PGA Show. Puisqu'une question de golf, c'était l'Assemblée générale hier du club de golf de Saint-Prime. On a déclaré un déficit de 33 000 $ après arrondissement. C'était 93 000 $ avant l'amortissement. Le président Martial Bouchard a expliqué ce déficit sur les ondes de Dan Radio Sport. Des chiffres en valeur absolue, là. On a généré un déficit de 33 000 avant amortissement et intérêt. Par contre, évidemment, avec toute la reconfiguration du site, etc., là, il y a de l'affectation de dépenses qui n'est pas tout à fait précise. Là. Fait qu'il faut se fier plus sur nos budgets pour les prochaines années pour savoir vraiment qu'est-ce que le golf, de quoi on est capable d'en tirer. Mais si on additionne les intérêts et les amortissements, là, on a quand même un déficit important là, au-delà de 93 000 $. Marcel Bouchard, bon espoir que le déficit sera ramené autour de 10 000 $ pour la saison 2018. Pour s'assurer, puis quand même, on aura quand même réussi à avoir un des plus beaux terrains au Saguenay-Lac-Saint-Jean là, pour la saison. Donc, les gens se sont virés de bord assez vite. Ouais. Et puis, évidemment, là, on avait quand même là, 25 000 $-30 000 $ de frais financiers qu'on n'aura pas l'an prochain. Fait que déjà, c'est un plus en partant. Et on a bien des petites choses, là, des décisions qu'on a prises aussi là, au niveau administratif, qui fait que l'an prochain, là, on prévoit ramener ça peut-être un déficit là, d'une dizaine de mille après amortissement. Grosse nouvelle également qui est annoncée sur la page Facebook hier du club d'haltérophilie de Dolbeau-Mistassini. Il y aura un deuxième bootcamp race qui aura lieu le 2 juin 2018. Hier, on a annoncé ça sur le Facebook du club d'haltérophilie. Donc, on pense qu'il y aura à peu près une trentaine d'épreuves qui seront présentées à la demi-ski. Et vous pouvez déjà vous inscrire en allant sur le site bootcamprace.ca et dans l'onglet Dolbeau-Mistassini. Je termine avec des résultats de simple lettre qui avaient il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues. D'abord, au niveau Bantambe, le Saint Louis, les Chibougamau et les Genois d'Alma se sont livrés en verdict nul de 5 à 5. Gain des Bulldogs s'est 3 à 2 sur les Genois d'Alma. Et les Loups de Dolbeau-Mistassini ont eu le meilleur sur les Monarques de Saint-Ambroise 8 à 2. Niveau midget, gain des Sabres d'Orbeval 7 à 1 sur les Éperviers de Normandin. Comme je disais en début de bulletin, c'est le dernier bulletin de sport local et régional de la saison. La section entrevue de danradiosport.com va continuer pendant la période des fêtes, même pendant le jour de Noël et le jour de l'an. Nous, pour le sport local, on revient le 3 janvier. D'ici là, je vous souhaite une belle période des fêtes et une bonne écoute à l'antenne de danradiosport.com.